gosier sec et le ventre vide. Tout est clean impec dans sa piole humide. Mais y'a de l'eau dans le gaz, ça tourne pas droit. Le réchaud est nasé, il a un peu froid. Il a le cœur sec et les yeux humides. Mais faut faire avec, pas lâcher la bride. Il prend sa guitare, celle qui le câline. Un air au hasard, un blues pour un spleen. Y'a des fantômes chez lui, surtout le soir. Il est comme un môme qui a peur dans le noir. Quand on est tout seul, comme ça on chante le blues à pleine gueule, le spleen et l'attente, et l'attente. C'est pas un pauvre mec tourne à vide, il gagne son beefsteak loin des coins sordides. Y'a de la lumière partout où il va. Y'a de la lumière partout où il va. Et dans sa maison, on partage le pain. Et puis des chansons qui parlent des copains, des filles qu'il a aimées, d'amour inassouvi, comme des fleurs semées le long des rues de sa vie. Maintenant le mec est bouffé par les rides. Il est vieux tout sec, mais son cœur n'est pas vide. Sa voix est raillée, trois accords de blues. Ça ne s'en déraillait, I'll never be able to lose.